C'est une reprise des Corgis qui ouvre ce 250e Pop'n'Rock sur la très locale RVR. 250, si ce n'est pas leur débilan, on va quand même un peu regarder dans les rétroviseurs pour se rappeler de tous ces artistes que nous avons découverts ensemble. Vous l'avez compris, ce soir, pas de nouveautés, juste de belles rencontres qui vont ce soir emplir vos cervelles fatiguées. Montez le son, Pop'n'Rock décolle. Vous êtes bien dans Pop'n'Rock sur RVR comme tous les lundis entre 17h et 18h et ce soir, on cause peu, voire pas, et on fait un feedback sur les 250 premières émissions. Streets. empty streets. Lying in wait for me. Les années 90. Hey, pas de problème, on est bien dans Pop and Rock sur RVR. Trying you. Ice Dragon, RVG, Sad Over the Giants et à l'instant Pink Turns Blue. Voici le début de ma playlist idéale pour fêter notre 250e Pop and Rock. Darling, des duos, des oldies but goldies, des écossais, des ricains, des belges, des français et même des filles. Ouais, c'est ça le rock dans Pop and Rock. Thank you. Ouais, dans Pop and Rock, on aime les rockeuses. Et là, Nida, je suis sûr que tu sais qui je vais envoyer. Ne doute pas de toi. Si on aime les rockeuses, qu'elles soient françaises, anglaises ou américaines, la Belgique marche aussi pas mal dans pop and rock, notamment grâce à Balthazar, mais aussi au Black Box Revolution. On écoute d'abord Balthazar et on enchaînera avec les Belges de Black Box Revolution. Thank you. 250 premiers numéros de son Pop and Rock en espérant vous en envoyer encore 250. Bon courage à vous. Oh, oh merci la voix off. As fast as I can to make me cocky, make me chatty, make me sorry I'm drunk, I'm sorry I'm drunk. I'm smashed, hammered, and really messed up. But I'm having fun, at least that's what I think. So who's gonna get me another drink? Who's gonna get me another drink? Les Grands Bretons occupent aussi une belle place dans pop and rock sur la très locale RVR et notamment avec l'ex-guitariste des Smiths, ouais, Johnny Marr est toujours là et pas que pour ennuyer le Morrissey. Something alright, I know. 250 Pop & Rock, c'est également l'occasion pour votre serviteur et la voix off de faire de belles rencontres, de 21 grammes à Perlos Next en passant par Clinic Rodeo et peut-être même surtout Raskolnikov. Pop & Rock, c'est aussi quelques perles rares, des versions plus ou moins propres de morceaux qui mériteraient le titre d'anthologie, comme cette captation furieuse de Dead Radio de l'Australien Roland Hayes Howard. Ouais, le son n'est pas toujours top, mais sachez bien apprécier le solo final de guitare. Smiling through your tears and your tattoos. On peut le dire, Pop & Rock est aussi quelque peu cocardier, même si des groupes français dans Pop & Rock préfèrent à Molière, Shakespeare, comme le duo des Cliniques Rodéo. Walking in the storm, looking out. mustaches and big girls. They look like old Mexicans. Well, I came to be in trouble with a firearm to kill my darling with my lustful gaze. Lustful gaze. Malheureusement, comme souvent dans Pop and Rock, on va finir par un petit peu de frustration. J'aurais aimé vous offrir Animal Triste ou encore Burhouse, mais c'est avec Bob Mould, le père du rock, notre père à tous, qu'on ferme ce 250e Pop and Rock. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même endroit pour le 251e, et comme toujours, bon vent à tous.